L'Organisation des vétérans américains pour la paix a publié le 23 courant une déclaration contre la décision américano-sud-coréenne sur la disposition de Saad.